Non, ma j'ai vu les femmes, qu'on y a mis au verre, faut-il. se jom kampe ya. Kampe kon sa yo fe poto. Me ki jan, jom kampe ya.